Je ne fais rien, je sais, mais tu ne sais pas que je sais, donc tu peux pas me mentir.